Section 4. De la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Johann. La lecture, tome 2e. Section 4. Pourquoi ? Par Édouard Pailleron, de l'Académie française. Que cela me rende rêveuse, voilà ce que je sais très bien, mais heureuse ou bien malheureuse, en vérité je n'en sais rien. Je chante, je ris, je suis folle, et je cours comme un oiseau vole. Puis, tout à coup, je ne sais quoi m'oppresse, qui n'est pas sans charme, et je me mets à fondre en larmes. Pourquoi ? C'est hier qu'elle a dérobé, ainsi toute seule et tout bas, ma première larme est tombée, et cela ne s'arrête pas. Tout le long du jour, je soupire à me faire éclater de rire, et toute la nuit, en émoi, je fais et je refais un rêve qui jamais, hélas, ne s'achève. Pourquoi ? Parfois, j'ai des torpeurs étranges. Je reste là, les yeux au ciel, à regarder passer les anges, ce qui ne m'est pas naturel. Je suis vaguement inquiète, il me vient des mots de poète. Espoir, amour, extase, foi. Et je me répète à moi-même pendant des heures, je vous aime. Pourquoi ? Ah, que je voudrais être belle, avoir 20 ans comme ma sœur, on lui dit vous, mademoiselle, des choses pleines de douceur, d'une voix qui m'est inconnue. Et moi, la dernière venue, on me dit « petite » ou bien « toi ». On m'embrasse sans prendre garde et personne ne me regarde. Pourquoi ? Encore, si j'étais malade, être malade et si jolie, on prend un petit air maussade, on va de sa chaise à son lit, dans une longue robe blanche. On se tient comme un lys qui penche, on est pâle. Tandis que moi, je me porte bien. Je suis rose. Oh, quelle insupportable chose ! Pourquoi ? Mais se peut-il qu'on s'évertue à pleurer ainsi dans les coins ? On dit que le chagrin nous tue, s'il me faisait maigrir au moins. Et tenez, cela recommence, si ce n'est pas de la démence. Mais, enfin, qu'est-ce que j'ai ? Quoi ? Oh, quel service il va me rendre, le premier qui saura m'apprendre ! Pourquoi ? Fin de la section 4.